Alors, pour rendre hommage à tous les chanteurs révoltés qui véhiculent leur joie de vivre, à mon tour, j'ai composé un chant d'espoir. De toute façon, faut pas rêver, on va tous crever dans cette putain de société déshumanisée, anesthésiée par la télé. Peuple de France sodomisé par le système, les financiers. C'est le règne du blé, combien de temps va-t-on durer de se faire enculer? Combien de temps les croix gammées vont-elles prospérer? Combien de temps vais-je réciter le dico des rimes en haie? De toute façon, faut pas rêver, on va tous crever. D'ailleurs, en parlant de musique, on était au concert au Louvre hier. Oui, soir. Alors ah, formidable, hein, là, là, on se serait cru au Energy Music Awards. Bon, on savait que Macron était le candidat du système. Mais on ne savait pas que c'était celui du Sound System, dis donc. Et puis il est arrivé. Oui, hein. En marchant, alors longtemps, hein, mis longtemps. Oui, très longtemps. Oui, hein. Sans doute pour s'habituer aux prochaines grèves dans les transports publics. Ouais. Le truc du diable, la marque du diable, on est foutus, les gars. On est condamnés, on va cramer en enfer. Emmanuel a ses belles zébuts. Armageddon. Hier soir, il y avait des signes, la grande pyramide pointée vers l'enfer, et puis le comportement des gens, tous possédés. Le président élu est ensuite allé déposer sa démission au conseil d'administration d'En Marche. Hein, ça ne sert plus à rien d'être En Marche, puisqu'à l'Élysée, il y a des canapés partout. On a roulé derrière Macron toute la nuit. Ouais, c'est rien à côté de Rutel Krief qui roule pour lui depuis 2 ans. Hein. Ouais, mais il n'est pas facile à suivre hein, quand même, Macron. Ah non, le plus difficile, c'était d'éviter le seul ex de Jean-Vincent Placé qu'il suivait. Ah oui, en plus, il bavait, la route était glissante. Ah, mais vous inquiétez pas, hein, on est en forme. Hein. Ouais, juste avant de venir, on a sniffé un peu de poudre de perlimpinpin. Et là, on est au top. Aïe. Ne faites pas ça chez vous. Ceci est une alerte enlèvement. À l'heure où vous entendez ce message, nous sommes toujours sans nouvelles de la dignité d'un homme. Dénommé Manuel Valls. C'est un homme de type méditerranéen. Pas tout à fait white ni blanco, plutôt rougeau si vous le contrariez. La dignité de cet homme a été aperçue pour la dernière fois, vêtu d'une veste retournée et d'un pantalon sur les chevilles. Si vous la voyez, contactez-nous au plus vite. Et surtout, n'agissez pas seul. Tout le monde a tous à gagner, à se confier plus les uns aux autres. Nagui, par exemple, qui est toujours si tendu. Il est toujours si tendu en arrivant parce que son personnel de maison, ceci, son personnel de maison, cela. Et j'aurais jamais dû acheter une Lamborghini, boîte de vitesse de merde, etc. Laisser j'en cuir, ça me fait transpirer le périnée. Et moi, c'est moi qui aurais dû, c'est moi qui aurais dû reprendre la matinale à la place de Cohen, ce traître. Ça, c'est vrai. Je peux comprendre. La seule vérité. Là-bas, il n'y aura pas autant de gauchos. Je pourrais venir en Porsche au boulot. J'en peux plus de tous ces bolos. Là-bas, je serais pote avec Nikos. C'est pour ça que j'irai là-bas. Personne n'écoute leur programme. C'est Roumanoff qui fait les vannes. Et tu vas saigner des oreilles. Quand Julie sonnera à l'heure, on a tant de matins à faire, tant d'auditeurs à séduire. Même RTL, on peut se les faire. Mais toi tu rêves de partir. Ici regarde mon salaire, et l'on n'y peut rien changer. Là-bas j'appelle Lagardère, et il fait fumer son chéquier.